Jérémie chapitre 14. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie, sur ce que les pluies avaient été retenues. La Judée a mené deuil, et ses portes sont en impitoyable état. Ils sont tous en deuil, gisant par terre, et le cri de Jérusalem est monté au ciel. Et les personnes distinguées ont envoyé à l'eau les moindres d'entre eux, ils sont venus au lieu creux, ils n'y ont point trouvé d'eau, et ils s'en sont retournés leurs vaisseaux vides, ils ont été rendus honteux et confus, et ils ont couvert leur tête. Parce que la terre s'est crevassée à cause, qu'il n'y a point eu de pluie au pays, les laboureurs ont été rendus honteux, et ils ont couvert leur tête. Même la biche a fait son fan au champ et l'a abandonné, parce qu'il n'y a point d'herbe. Et les ânes sauvages se sont tenus sur les lieux élevés, ils ont attiré l'air comme des dragons, leurs yeux sont consumés, parce qu'il n'y a point d'herbe. Éternel, si nos iniquités rendent témoignage contre nous, agis à cause de ton nom, car nos rébellions sont multipliées, c'est contre toi que nous avons péché. Toi qui es la tente d'Israël, et son libérateur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu en la terre comme un étranger, et comme un voyageur qui se détourne pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu comme un homme étonné, et comme un homme fort qui ne peut délivrer? Or tu es au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est réclamé sur nous, ne nous abandonne point. L'Éternel a dit ainsi à ce peuple, parce qu'ils ont aimé aller ainsi ça et là, et qu'ils n'ont point retenu leurs pieds, l'Éternel n'a point pris plaisir en eux, il se souviendra maintenant de leurs iniquités, et il punira leurs péchés. Puis l'Éternel me dit, ne fais point de requête en faveur de ce peuple. Quand ils jeûneront, je n'exaucerai point leurs cris, et quand ils offriront des holocaustes et des oblations, je n'y prendrai point de plaisir, mais je les consumerai par l'épée, et par la famine, et par la mortalité. Et je dis, ah! Seigneur Éternel, voici, les prophètes leur disent, vous ne verrez point l'épée, et vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai une paix assurée en ce lieu-ci. Et l'Éternel me dit, ce n'est que mensonge ce que ces prophètes prophétisent en mon nom, je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné de charge, et je ne leur ai point parlé, ils vous prophétisent des visions de mensonges, des divinations de néant, et des tromperies de leur cœur. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, touchant les prophètes qui prophétisent en mon nom, et que je n'ai point envoyé, et qui disent, l'épée ni la famine ne sera point en ce pays, ces prophètes-là seront consumés par l'épée et par la famine. Et le peuple auquel ils ont prophétisé, sera jeté par les rues de Jérusalem, à cause de la famine et de l'épée, et il n'y aura personne qui les ensevelisse, tant eux que leurs femmes, leurs fils et leurs filles, et je répandrai sur eux leur méchanceté. Tu leur diras donc cette parole-ci, que mes yeux se font dans larmes nuit et jour, et qu'ils ne cessent point, car la Vierge, fille de mon peuple, a été fort maltraitée, la plaie en est fort douloureuse. Si je sors au champ, voici les gens morts par l'épée, et si j'entre en la ville, voici les langueurs de la faim, même le prophète et le sacrificateur ont couru par le pays, et ils ne savent où ils en sont. Aurais-tu entièrement rejeté Juda, et ton âme aurait-elle sion en dédain? Pourquoi nous as-tu frappé tellement qu'il n'y a point de guérison? On attend la paix, et il n'y a rien de bon, et le temps de la guérison, et voici le trouble. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, et l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. Ne nous rejette point à cause de ton nom, et n'expose point à opprobre le trône de ta gloire, souviens-toi de ton alliance avec nous, et ne la rends point. Parmi les vanités des nations, y en a-t-il qui fasse pleuvoir, et les cieux donnent-ils la menue pluie? N'est-ce pas toi qui le fais, ô Éternel, notre Dieu? C'est pourquoi nous nous attendrons à toi, car c'est toi qui as fait toutes ces choses.